TSF Internacional. Longe da vista, perto do coração. Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue dans Electric Shot, votre magazine métal du mardi soir. Il ne fait pas chaud aujourd'hui, n'est-ce pas? Croyez-moi, ces deux heures de métal, par contre, vont vous réchauffer à la fois le cœur et le corps, comme toutes les semaines d'ailleurs. Car j'ai un programme bien chargé avec quatre nouveautés dans des registres complètement différents l'une de l'autre. Je vais être aussi en mesure de vous pouvoir vous présenter la première partie de l'interview que j'ai eu la chance de faire avec le groupe Stratagem. Ça, c'était lors du Trickfest le 5 avril dernier. Et puis, on va se repasser une petite chose qu'il y a eu ces dernières semaines. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Bon, on va commencer méchant avec ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière. C'est ce groupe bizarroïde américain qui est Death Heaven, qui mélange black metal, shoegaze et post-rock. A priori, un gloobie-boulga, a priori peu, comment dirais-je, digeste. Et en fin de compte, ça nous fait un truc très original et très intéressant. Pourtant, je dois avouer que je suis pas un fan de black metal, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui fait que j'y reviens régulièrement à écouter et j'y prends beaucoup de plaisir en ce qui me concerne. Alors, un extrait de ce tout nouvel album qui s'appelle Lonely With The Power. On va se faire le morceau d'Upperman avec sa petite intro, Incidental One. Bon, un petit souci technique, la platine apparemment est réfractaire à Death Heaven. On va vous recaler le morceau s'il veut bien repartir. Bon, finalement, on a pu l'avoir quand même. Ouf! Death Heaven avec Doberman, extrait de Lonely with the Power et sa petite intro Incidental One. Donc ça, c'était l'ouverture pour Electric Shock. Avouez qu'on a quand même commencé très fort. On va se faire maintenant la première nouveauté de la soirée. On va faire un petit tour du côté de Rouen, découvrir un jeune groupe qui existe depuis 2023, comme quoi c'est tout récent, qui s'appelle Steel Razor et qui vient de sortir donc son premier album qui s'appelle Final Defiance. Et bien qu'il soit tout jeune, et bien musicalement, on est plutôt dans le heavy metal pur début des années 80, première moitié des années 80. Ça fait penser à un peu Saxon, Accept, Wasp, Warlock, enfin Doro, un peu. Et bah ça fait peut-être pas mal du tout, quoi, aussi ce petit retour en arrière. Donc moi je trouve un petit défaut à cette autoprod. Même si le son est un peu rêche, mais enfin ça c'est pas le plus gênant. La chanteuse est très bien, elle a une voix qui correspond parfaitement au style musical. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'elle prenne des cours d'anglais. Je trouve sa prononciation vraiment, je pourrais pas dire exécrable quelque part, mais je ne comprends strictement rien à ce qu'elle chante et c'est dommage parce que ça gâche tout et quelque part j'ai tendance un peu trop à me focaliser là-dessus parce que sinon le reste c'est vraiment du pur heavy et c'est vraiment bien. Bon, à mon avis, c'est à voir en live, peut-être que ça le fait mieux que ça. Extrait de cet album qui s'appelle donc Final Defiance, Light Up the Flame, et une petite intro au clavier qui s'appelle Warriors of the Lost World, qui fait typiquement années 80. heavy metal du début des années 80 avec les Américains de Sanhedrin et leur quatrième album Hit Lightning. C'était The Fight of Your Life. Beaucoup plus récent puisqu'ils existent que depuis 2023 et c'est leur premier album, les Rouennais de Steel Razor avec Light Up the Flame, la petite intro Warriors of the Last World. Donc c'est un extrait de Final Defiance, leur premier opus qui est tout chaud, tout bouillant. Eh ben tiens, ça fait un petit moment qu'on s'était pas fait un petit Obsidian. Eh ben on va revenir à leur premier album, Exploring Fate, et on va s'écouter Blamed Boy. Yeah. Vraiment plein de choses sympas sur cet album Oscillation, leur troisième du groupe Howard. Vous avez pu le constater à l'instant avec le morceau Daydreaming. Juste avant, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé un petit extrait de Exploring Fate, le premier album du groupe Obsidian, et on s'est écouté donc Blame Boy. On va revenir maintenant à un groupe de légende, le fils spirituel... pour moi, le plus spirituel de Black Sabbath, c'est-à-dire Candlemass, qui vient donc de sortir un double live qui s'appelle Tritonus Nights, qui contient donc deux concerts avec l'intégralité des deux premiers albums, soit Epicus, Domicus, Metallicus et Nightfall. Et sur l'interprétation de Nightfall, le groupe en a profité aussi pour ajouter des petites choses un petit peu de rareté, tel ce Battle Cry qui à l'origine est resté à l'état de démo, qu'on peut retrouver par contre dans la réédition du Nightfall en version démo. Et là donc chanté par Jonathan Lundqvist, voilà ce que ça nous donne en live donc sur ce live vraiment magique. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est bien Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir entre 19h et 21h. À l'instant, un extrait du fabuleux live de Candlemass Tritonus Nights avec une petite rareté avec le morceau Battle Cry, un morceau qui était resté à l'état de démo. Et bien maintenant, si vous voulez bien, on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée avec un groupe qui vient de la région parisienne, qui vient de fêter ses 15 ans. Donc ils existent depuis 2008 et ils ont déjà, c'est leur troisième album, enfin cinquième si on compte le EP. C'est le groupe When Reasons Collapse, qui est un mélange de hardcore, de deathcore, de black metal, enfin de plein de choses, mais le tout assez mélodique quand même. Alors groupe qui a de la bouteille quand même, puisqu'ils ont fait quand même déjà pas loin de plus de 220 concerts, dont une tournée entre autres avec... Septic Flesh et Crision, en fait, excusez du peu. Alors, pour ces 15 ans, alors que ça fait quand même 7 ans qu'ils n'ont rien sorti, par contre, ils ont mis les petits plats dans les grands pour ce nouvel album qui s'appelle Men Will Be the End of Men. Donc, si vous aimez du furieux, mais mélodique malgré tout, je pense que vous allez vraiment apprécier. Extrait donc de cet album, c'est Dawn of Horror. Yeah. peu de surprise sur ce nouvel album d'Arc Enemy, mais par contre, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi bien fait, c'est toujours aussi bon. Donc, pas de problème. Extrait donc de Blood Dynasty, leur dernier opus, c'était March of the Miscreants. Juste avant la deuxième nouveauté de la soirée avec les Parisiens de When Reasons Collapse. C'était l'album Men Will Be the End of Men et c'était le morceau Dawn of Horror qu'on a eu ce soir. Donc, groupe qui fête donc ses 15 ans quand même, excusez du peu. Puisqu'on parle d'anniversaire et d'ancienneté, là, ce qui va suivre ce soir, là, c'est quand même, vous êtes en mesure donc de vous diffuser la première partie de l'interview que j'ai eu la chance de faire avec le groupe Stratagème qu'on a eu à l'affiche du Creekfest, groupe presque, on va pas dire fondateur du hard rock en France, mais peu s'en faut puisque le groupe existe depuis 1970. Et ben, je vais vous laisser GG et tous ses potes nous raconter un petit peu tout ça, un peu plus en détail que lorsqu'on l'avait fait par téléphone début avril, juste avant le dit festival de la Micris. Allez, je vous laisse en compagnie de Stratagème. C'est parti. Eh bien, nous sommes à Cléry-Saint-André pour la 4e édition du Creekfest. Et là, je suis en compagnie donc, du groupe Stratagème au grand complet. Alors, je vais demander à chacun de se présenter. Et moi, je suis Marc et je suis guitariste. Donc, GG, bassiste. Oui, Pat Casu, batteur. Salut, guitariste. Puccio, chanteur. Voilà, bon, on a fait une petite interview par téléphone mardi dernier avec GG. Du coup, je vais redemander un petit peu la même question. Raconte-nous brièvement, mais l'histoire un petit peu du groupe pour ceux qui... Très brièvement. Donc, naissance de Stratagème en 1970. Premier album chez Solin Press en 1975. Deuxième album au Château d'Hérouville en 1979. Troisième album chez CBS en 81. Ensuite, interruption de Stratagème pendant une vingtaine d'années. Et j'ai repris donc en 2008-2009. Et donc avec un premier album en 2005e album en 2013. Ensuite, un autre album juste avant le Covid en 2018. Un album qui se prénomme Memory, qui n'a pas eu beaucoup d'actualité dessus du fait qu'il y a eu le Covid. Et un dernier album en 2020 avec mon copain d'origine, le batteur d'origine, Jean-Pierre Paulet, qui a été fait donc, pour terminer une carrière, disons, bien remplie en ce qui me concerne. Et puis, comme j'ai eu l'extrême chance, je connaissais un petit peu Guccio, je lui ai demandé, si ça l'intéressait, de venir dans Stratagème en 2023, je crois, grosso modo, il y a un an et demi. Et j'ai eu Pat Casu, que je connaissais de son ancien groupe dans les années 80, qui lui était intéressé aussi, donc il m'a présenté les deux guitaristes, le premier Sébastien, et le deuxième, Marc, avec qui il avait joué dans Helios pendant une dizaine d'années ensemble. Et voilà, j'ai constitué ce groupe-là pour faire une nouvelle carrière, on va dire. Voilà. Là, tout à l'heure, tu parlais du château d'Hérouville. Oui. Quel souvenir en gardes-tu? Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un reportage sur Arte, sur ce lieu. Était-ce vraiment magique comme... Ah oui, oui, oui. Bah, magique déjà parce que des grands noms sont enregistrés là-bas. Aussi l'endroit était magique, c'était un vrai château. Donc à l'époque, on pratiquait beaucoup le spiritisme aussi. Donc il y avait tous les ingrédients pour passer des bons moments. Voilà, puis... Laurent Thibault, qui était le patron du château d'Hérouville, qui est maintenant parti, je crois, du côté de Nantes. Il a remonté un peu du côté de Nantes. Voilà. Et ça, c'est vraiment un lieu magique. Oui, je crois que Rainbow y a été, je crois, à un moment donné, il me semble. Oui. Je dis ça parce que je suis un grand fan de Richie Blackmore. Je suis un immense fan de Rainbow. Bienvenue au club. Toutes les périodes. Et du passé de Stratagème, de quoi es-tu le plus fier? Quel est le souvenir le plus marquant? Quelle époque? Quel souvenir le plus marquant que tu aies eu Oh, il y en a trop. Il y en a trop. J'ai eu des grands souvenirs, des grands moments, notamment avec Gabriel Stratagem Group, où s'est passé des choses dans plusieurs villes. Parce que ce qu'il fallait savoir à l'époque, c'était tout un concept de théâtral, dans le style un peu ange à l'époque, avec Gabriel. Et alors juste en raconter une, parce que si on commence à partir là-dedans, il y en a pour des heures. À Grenoble, on jouait à Grenoble, et j'avais tendance, enfin sur scène, Patrick Gabriel chantait un morceau qui s'appelle « L'abordage du pirate ». Et moi j'avais un vrai sabre qui était planté à côté de mon ampli. Et il y avait un jeu de scène, c'est-à-dire qu'à un moment il se jetait sur moi comme ça, et moi je prenais le sabre, et je faisais semblant de le tuer, et ça passait sous son aisselle. J'ai dit, c'est fait là, plusieurs fois j'ai dit, fait là, un jour il va y avoir un problème. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé ce soir-là à Grenoble, devant, sans mentir, à peu près 1000 personnes. J'ai pas voulu faire ce truc-là, je sais pas si c'est, si c'était intuitif. J'ai pris le sabre, j'ai fait semblant de le transpercer, et je l'ai planté dans le parquet. Le problème, c'est que, comme il était à côté de moi, c'est pas dans le parquet que je l'ai planté, c'est dans sa chaussure et dans son pied. Donc, geyser de sang. Donc, tous les gens en font un effet de scène super. Extraordinaire. C'est du jamais eu. Complice. Et le SAMU est venu chercher Patrick. On a été obligé de finir à trois sur scène. On a fait un rock'n'roll à trois accords. Et on l'a retrouvé. Il a été se faire recoudre à l'hôpital. Voilà. Ça, des comme ça, j'en ai plein. Des anciennes, hein, des anciennes. Des anciennes anecdotes, pas des anecdotes récentes. Donc, c'est un truc que tu ne fais plus sur scène, donc j'imagine ça. Non, non, ça c'est fini, puis je ne peux plus. Puis là, je suis avec des jeunes, hein, quand même. Parce que tu as gagné 11 ans. Le stratagème actuel, musicalement, est-ce que c'est la même chose que celui des années 70? Alors, si la bonne confrère vous a posé la question tout à l'heure, je voulais laisser la parole à Lucho. En fait, non, c'est pas du tout pareil. On a voulu restituer un peu l'ambiance et les racines véritables des derniers albums en fait de Stratagem avant que j'arrive pour en faire un truc hard rock plus un peu plus actuel avec les influences des guitaristes, du batteur, etc. Tout le monde met un petit peu sa patte et du coup ben, ça donne le nouveau Stratagem. Mais on garde quand même les bases hard rock, mais qui n'ont rien à voir avec le tout début de Stratagem. Je parle uniquement des récents albums de Stratagem. Et le stratagème actuel, par exemple, dans les textes, de quoi est-ce qu'il parle? Parle un peu de tout. En général, c'est très, très, très pessimiste. Hein. C'est la fin de plein de choses, des remises en question. En ce moment, je crois qu'il y a beaucoup. Oui, oui, mais moi, j'ai toujours écrit de façon, j'ai jamais trop accroché sur des paroles un peu romantiques. C'est pas trop mon délire. Je préfère écrire des paroles où on réfléchit un petit peu. Chacun se fait son opinion sur comment vont les choses, quoi. C'est ça un peu le principe des textes. Et il parle de musique aussi, que la musique est très fédératrice par rapport à d'autres choses qui sont plus timides, comme les avis politiques ou la religion qui divisent les gens. La musique divise tout le monde. Ça, voilà. Et dans le groupe, les compos, qui s'en charge en fait? C'est collectif? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui arrive avec une idée? Oui, c'est un travail surtout des deux, en premier des deux guitaristes qui amènent des idées. Et pas que si, qui amènent des idées aussi. Pas que si, bien sûr. Mais c'est, au départ, c'est vraiment, ça commence sur des riffs. Je pense que Marc, tu peux en parler un peu plus que moi. Ouais, parce que c'est tout à fait simple. Voilà, chacun amène. Après, chacun amène des idées. Ça demande un riff, de guitare. Un riff de guitare. Patrick étant lui-même guitariste aussi, il peut amener de temps en temps des idées de guitare. Et à partir de ça. C'est un travail commun. On s'envoie par fichier en fait. On s'envoie des fichiers, chacun bosse de chant de son côté. Après on est d'accord, j'envoie une ligne de chant en yaourt. Après on est d'accord ou on l'est pas. Si on est d'accord, ben, j'écris des paroles, etc. Et on bosse comme ça. Mais parce que vous êtes tous éloignés géographiquement peut-être Eux non, mais moi oui, je suis un peu loin. Quoi. Je suis vers Montauban, ça fait loin de la région parisienne. Je suis pas à côté. C'est là qu'on se dit bravo la technologie quand même. Bah oui, tout ça. Même si après nouveau le contact vraiment ah oui, c'est vrai. Humain. C'est pour ça qu'on se rejoint après en répétition, on voit ce qui va pas, etc. Et en fait, c'est toi, Gégé, au final, qui donne le là pour dire c'est bon le morceau tel qu'il est. C'est un consensus collectif. On donne notre avis, bon, puis après c'est à la majorité du groupe. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de patron. Bon, même si Buccio affectueusement m'appelle patron sur scène, je suis tout sauf un patron. Non, ce qui est quand même beaucoup de groupes, souvent il y a quand même une personne qui est quand même pas le chef entre guillemets, mais quand même qui met le là. Voilà. Alors je dirais que musicalement, c'est juste une petite parenthèse, je dirais que musicalement, sur l'ensemble du travail, les idées que chacun amène, je dirais que c'est Marc qui on arrange plus ou moins, voilà, on met en concertation avec Sébastien et avec Pat. Enfin, c'est un travail commun. Dans une affaire précédente, on avait expérimenté justement le fait qu'il y en ait un qui soit plus en force que les autres sur les influences et autres. Et puis dans un dernier album qu'on avait avec ce groupe, on a fait le pari justement d'arriver à un consensus collectif. J'ai trouvé cette formule plutôt sympa, c'est-à-dire que ben, on refait les choses, on revoit, jusqu'au moment où tout le monde y trouve à minima son compte. Qu'il n'y en ait pas un qui est le morceau en travers de la liste. Les frustrations, c'est jamais bon. Hein. Non. Voilà, on va arrêter là pour ce soir, parce que sinon j'aurais bien tout diffusé. C'est vrai que c'était passionnant et très intéressant de discuter avec les gars de groupe Stratagème. Enfin, la suite de l'interview, vous l'aurez donc la semaine prochaine. Eh bien, on va attaquer la deuxième heure donc d'Electric Shock, puis que maintenant, tout de suite, avec pareil un groupe de métal français de légende, qui est revenu il y a quelques années en force avec un superbe album, C'est Sortilège. Et là, on va revenir à le live bootleg que je vous ai présenté il y a quelques semaines, sorti de façon quelque peu confidentielle, et je suis pas sûr que ce soit vraiment tout à fait bon du goût des membres actuels du groupe. Enfin, toujours est-il que ce concert de 86 enregistré à l'Eldorado à Paris est sorti avec un son très roots, hein, c'est bien dit, c'est un bootleg, ça faut bien se mettre ça dans l'esprit. Par contre, musicalement, et c'est toujours un plaisir de entendre ces vieux morceaux, comme par exemple le dernier des travaux d'Hercule, qui à l'origine donc était sur l'arme de Héros, qui était donc en fait l'album que Sortilège défendait à ce moment-là et qui malheureusement à l'époque avait fait un flop. Allez, on s'écoute ce live, je vous préviens, le son, c'est pas top.

C'est toujours aussi bon à entendre, même avec un son approximatif, ça. Bon, vous aurez reconnu les deux classiques de Sortilège, Métamorphose et le dernier des travaux d'Hercule, qu'on peut trouver sur le live bootleg Paris Eldorado du 19 avril 1986, un document vraiment roots de chez Roots. Eh bien, on va se faire la troisième nouveauté de la soirée. On va faire un petit tour en Suisse, découvrir ou redécouvrir un groupe qui s'appelle Silver Dust, qui existe depuis une bonne dizaine d'années et qui se fait un joli petit succès là-haut. Et là, ils viennent de sortir donc leur cinquième album, Symphony of Chaos. Tiens, d'ailleurs, si vous avez pu voir dans Rock Hard ce mois-ci, dans les groupes à découvrir, ils en font partie. Alors, musicalement, est-ce que c'est du rock, du métal? Enfin, c'est difficile à classer. C'est tellement difficile à classer qu'en fait, ils ont joué un peu avec tout le monde. Aussi bien de Rotting Company de Moonspell, de Rotting Christ que de Lordi ou de Battle Beast. Enfin, vous voyez, donc, ils arrivent à se mettre à n'importe quelle affiche. Moi, ça me fait penser un petit peu à Avatar. Il y a des moments, des morceaux un peu avec un petit peu d'électro et très martial avec Rammstein aussi. Enfin, il y a plein de choses sur donc cette, comme sur ce I'm Flying qu'on va découvrir ce soir. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Yeah. les Chypriotes de Speaking Whispers avec un extrait de leur dernier album Crystalline Structures. C'était le morceau Hollow qui est également le single. Avant, c'était la troisième nouveauté de la soirée, groupe qui nous vient de Suisse, Silver Dust et leur cinquième album Symphony of Chaos. Et c'était le morceau I'm Flying qu'on s'est écouté un instant. On va revenir au live de Van Halen, le live in Dallas 1991 sorti il y a quelques semaines et qui pour l'instant est dans ma top liste d'écoute. Il faut dire que ce live est vraiment brut de pomme et ne sent pas la retouche comme le Right Here Right Now, excellent au demeurant aussi, mais enfin un peu trop retravaillé en studio à mon goût. Et ce live où on entend les fausses notes, on entend les Larsen, on entend tout, enfin ce que doit être un live à proprement parler. On va se faire un petit extrait de Oh You Hate One Two, l'album Oh You Hate One Two sorti en 1988 avec Finish What You Start, What You Started. Well, they're getting about ready to shut us down. We're going to try and squeeze in about 3 more songs for you, all right? We're going to do some driving, all right? C'est bon, ah la vache, c'est vrai que je le réécouterai tant qu'est plus. I Can Drive 55, morceau de Sammy Hagar que Van Halen se réapproprié pour en faire quasiment un de ses classiques. et Finish What You Started, donc deux extraits du Live in Dallas 1991, Brut de Pomme. Vous avez pu entendre les Larsen, les Plantes, même Sammy Hagar se marrer. C'est vivant, c'est du rock'n'roll, c'est comme ça que ça doit être. La perfection, on s'en fout, c'est un peu le second plan. Eh bien, 20h30 tout rond, ça veut dire qu'on attaque la dernière demi-heure d'Electric Shock. Et je vous rappelle qu'Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19 et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et donc, on va attaquer la dernière demi-heure avec la quatrième et la dernière nouveauté de la soirée. On va refaire encore un petit tour en Suisse, découvrir le groupe Versatile. Alors, Versatile, c'est un groupe qui existe depuis 2019, qui nous fait du black metal industriel. Ils viennent de sortir leur premier album qui s'appelle Les Litanies du Vide. Ils ont déjà sorti des singles, mais là, c'est leur premier album véritable. Alors, si vous aimez ce style, vous allez adorer le morceau Enfant Zéro et sa petite intro GN. Ce petit moment de douceur, bah, vous était offert par Electric Shock, bien sûr. Enfant Zéro et GN. La petite intro, extrait, tous deux extraits de La Litanie du Vide. C'était donc la quatrième et dernière nouveauté donc, de la soirée. On va se passer quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll avec l'association d'Adrian Smith et de Richie Kotzen, leur deuxième album. Le premier éponyme était sorti en 2021 et avait bien marché. Celui-ci s'appelle Black Light, White Noise. On y retrouve les mêmes ingrédients, c'est-à-dire du rock 70s et les guitares et les voix des deux susnommés qui se marient vraiment à merveille pour ce rock vraiment chaleureux et vraiment très mélodique, vraiment du bel ouvrage. Extrait de cet album, on va s'écouter Black Light. I guess that's a load I'm gonna have to carry. Le légendaire Michael Schenker qui revisite donc ses classiques de UFO. Bah, c'était, vous l'avez reconnu, le Only You Can Rock Me, où il y a comme invité Joey Tempest au chant et Roger Glover à la basse, etc. dans son album Myers with UFO. Et Michael Schenker qui sera à Vauréal au Forum jeudi soir. Juste avant, bon, par contre, il vous a manqué les 20 dernières secondes parce que la platine nous a fait un petit caprice et était sautée directement à la plage suivante. C'était donc les non moins légendaires Adrian Smith et Richie Kotzen et leur album Black Light, White Noise. C'était donc le morceau Black Light. On va se faire maintenant un petit peu de pur heavy metal typé années 80 avec l'album, le premier album de The Watcher, groupe que vous devez bien connaître ces dernières semaines parce que c'est des, on en a pas mal diffusé depuis que je l'ai acheté. Donc extrait de ce Out of the Dark, Thy Blade, Thy Blood, un morceau très épique, vraiment sympa comme tout. S'il veut bien, si, eh oui, c'est encore en train de me faire un petit caprice. Ça n'a pas voulu me passer le dernier morceau. Me sélectionner la bonne piste. Eh ouais, je l'ai dit, c'est les inconvénients du direct. On ne triche pas à Electric Shock, leader. Donc c'est bon, là on va vous l'envoyer. We'll be right back. Vraiment excellent ce premier album de The Watcher, Out of the Dark. C'était donc Zayblood. Bon, il nous reste le temps de faire un petit dernier morceau. Et bah tiens, je m'étais dit que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé un petit extrait de l'album de Corporal Punishment Inverted Demise. Et bah, je pense que pour terminer, ça va le faire, comme ce petit Bone to Dust. Ça va nous permettre de terminer en beauté avec du death metal mélodique. Or a stranger, faithful to keep and try. Studios de Corporal Punishment, extrait d'Inverted Demise. Voilà, c'était le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Eh bien, merci une fois de plus d'avoir été fidèle à ce rendez-vous du métal. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Même endroit, même heure, c'est-à-dire Radio Arc-en-Ciel 96.2 à partir de 19h, comme chaque semaine. Petit rappel aux amis Nightclubbers, s'il n'y a pas d'Electro Live ce soir, l'ami Christophe est en vacances bien méritées, donc vous le retrouverez la semaine prochaine. Où il aura certainement des petites surprises à vous faire écouter. Eh bien, encore une fois, merci. Bonne soirée à vous, bonne semaine. Écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Et je vous dis donc à mardi prochain. Salut à tous! Pelo médico especialista. Isto não acontece noutros países e os juízes dizem que fica em causa o juízo médico da verificação do que pode levar à morte medicamente assistida. Há ainda mais uma grande preocupação por parte do Tribunal Constitucional. De acordo